Nous saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. L'ancien avait oublié de vous annoncer la mort de frère Jean-Claude. Mzee alisahabu kumitangazia lufo lwa nduku Jean-Claude. Il est intervenu depuis hier à 1h du matin. Ole alikufa tangia jana mo 1h du matin. Qui connaît frère Jean-Claude? Bangabi banamujua nduku Jean-Claude. Il n'y a pas longtemps qu'il était ici. Akuya kawia alikuya hapa. C'était presque au moment où on entrait dans ce nouveau bâtiment. Ilikuya karibu wakati mule tuko naingia mu hekalu ya sasa. Il a eu quelques complications de la tension et du sucre. Alipata magumu ya tension na sukari. Et il a plu au Seigneur de le rappeler à la maison. Na bilimupendeza Mungu apate kumurudisha kunyumba. Sans tarder, levons-nous pour la prière. Bila kukawia tupate kushimama juu ya maombi. Prions. Tuombe. Seigneur, merci. Bwana sante. Pour une belle journée que tu nous as donnée. Juu ya siku mzuri na tukaburia. Nous nous sommes séparés depuis vendredi. Tuliachana tangia siku ya tano. Tu as gardé chacun de nous. Ulichunga kila mmoja wetu. Et ce matin nous sommes ici pour recevoir une portion de ta parole. Na hii asubuhi tuko hapa juu ya kupokea sehemu ya neno yako. Lorsque nous entendons les communiqués ou les annonces de ce que tu as rappelé auprès de toi, wakati tunasikia matangazo ya bale we Mungu ulita kwako, cela réveille notre conscience, ileko na amsha zamiri yetu, pour nous préparer en conséquence, juu tupate nashi kujitayarisha. Seigneur, notre départ à la maison Bwana kwenda kwetu kunyumba ne dépend pas de l'âge. Akuangalie miaka. Tu peux nous rappeler quand tu le voudras. Unaweza kutuita wakati wote unapenda. C'est pourquoi Seigneur, ndio kwa maana Bwana, viens à notre secours. Kuya utusaidie. Par la voix du Saint-Esprit et de la parole. Kupitia njia ya Roho Mtakatifu na neno yako. Afin que nos âmes soient préparées. Juu manasi yetu ipate kutayarishwa. Du début à la fin soit glorifié. Kumwanzo na kumwisho utukuzwe. Bénis ce peuple qui s'est assemblé ici. Bariki taifa na kusanyika hapa. Et conduis chaque chose pour ta gloire. Ongoze kila kitu kwa utukufu yako. Bénis ta parole. Bariki neno yako. Au nom de Jésus-Christ. Mungu Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Daniel au chapitre 9. Danieli sura yake ya 9. En son verset 24, Mustari ya makumi mbili na ine, jusqu'au verset 26, paka kwa makumi mbili na sita. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma makumi saba iliwekwa juu ya taifa yako na juu ya mji mtakatifu. Pour faire cesser les transgressions, juu ya kushimamisha kuvunja kwa sheria, et mettre fin au péché, na kuweka mwisho ya dhambi. Pour expier l'iniquité, Dieu a kutosha wovu, et amener la justice éternelle, na kuleta uwaki ya milele. Pour sceller la vision, Dieu a kuweka muri ono, et les prophètes, na nabi, et pour oindre les saints des saints, na Dieu a kupakala mutakatifu wa batakatifu. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Mabiwanza na manjimu itairudishwa, mais en des temps fâcheux. Lakini mwakati mubaya. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Kisha ile majuma makumi sita na mbili Masia atatoshwa. Il sera retranché. Atakufa. Ok. Il sera tué. Atakufa. Et n'aura pas de successeur. Na ashitakuya na wakumkombola. Le peuple d'un chef qui viendra. Taifa ya mkubwa moya ule itakuya. Détruira la ville et le sanctuaire. Itapomona muji na ekalu. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Na mwisho yae itakuya saa mkuteremuka. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ni yenye kupangwa kusema ile uharibifu itafikia pa mwisho wa vita. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusomea neno yake. En prenant Daniel 9. Moku chukua Daniel sura yake ya kenda. Dans son verset 25 à 27, mumustari yake ya makumi mbili na tano paka makumi mbili na saba. Nous avons voulu vous parler des erreurs que les adventistes du septième jour. Tulipenda kumionesha mankosa ile ya bashika sabato balikuya nayo. Et celle de témoins de Jéhovah. Na ile ya bashuda ya Yehova. Dans leur calcul, mwile maisabu yabo, qu'ils ont fait sur le retour du Seigneur, ile bo barifuanya juu ya kurudia kwa Bwana, en se basant entièrement sur les 70 semaines de Daniel. Enye kushimamia kabisa kabisa mu majuma makumi saba ya Daniel. Et notre objectif en soulevant ce point-là, na kifukuzio kietu mkulamusha ile nukta ile, c'est de vous montrer à quel point nous, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous sommes très proches de la venue du Seigneur. Et dire à chacun de vous que bientôt l'évangile du salut apa sasa injili ya wokovu est prêt à retourner aux Juifs, iko karibu kurudia kwa Yuda, pour l'appel des 144,000. Juu ya kuita 144,000. J'aimerais que l'église comprenne cela. Nilipenda kanisa pate kuelewa ile. J'aimerais aussi que vous reteniez quelque chose de très important. Nilipenda tena mpate kushika kitu kingine kia kabaila kabisa. Avant l'accomplissement de chaque véritable prophétie biblique, mbele ya kutimilika wa kila unabia bia kweli ya Biblia, il y a eu souvent l'apparition, kunekalaka mara mingi kuonekana, de faux prophètes, kwa banabii babongo, et de fausses prophéties, na unabii ya bongo, pour embrouiller le peuple, juu ya kuvuruka taifa, et éloigner les élus, na kupeleka mbali bateule, de l'accomplissement de la véritable chose qui viendra, ku utimilifu ya kile kitu kia kweli kiko nafika. Vous devez retenir cela. Munapata kushika ile. Souvent, avant l'accomplissement de chaque véritable prophétie biblique, mara mingi mbele ya kutimilika kwa kila unabia bia kweli ya Biblia, Satan suscite des imitations. Shetani analamushaka makufatirisha. Il y a souvent l'apparition de faux prophètes. Kunaonekanaka mara mingi banabii babongo. De faux ouins. Bapakaliwa babongo. Avec de fausses prophéties. Na maunabii yabo ya bongo. Dans l'objectif d'embrouiller les gens. Mukifukuzio kya kuvuruka bantu. Et d'éloigner le peuple na kuendesha mbali taifa de la véritable chose qui s'accomplira après. Mo kile kitu kia kweli kinapata kutimilika kisha pale. Ce n'est pas pour rien aina kwa bule que Jésus-Christ dans Matthieu 24 mule Yesu Kristo mu Mathayo 24 en parlant de son retour dit ceci. Mu kusemea juu ya kurudia kwake eko nasema hivi. Matthieu au chapitre 24 Mathayo 24 versets 4 à 5 nous lisons. Mstari ya 4 na 5 tunasoma. Jésus leur répondit. Yesu akabajibu. Prenez garde. Mukebe ange. Que personne ne vous séduise. Kusikuye mtu hata moya wa kumitongoza. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Ju ba mingi batakuya munjina yango mukusema ni mie mwenye kuya Kristu. Et ils séduiront beaucoup de gens. Na batatongoza batu ba mingi. Vous voyez ici qu'en parlant de son retour, munaona hapa mkusemea juu ya kurudia kwake. Jésus-Christ, Yesu Kristo, tire notre attention eko na tukebesha qu'il y aura l'apparition kutakuya kuonekana des séducteurs kwa batongozi. Et c'est très important que vous retenez cela. Na ile ni akabaila mupate kuishika. Dans 2 Pierre au chapitre 2, mon Petro wa pili sura yake ya pili, dans son verset 1, nous lisons jusqu'au verset 2. Mstari yake ya kwanza tuko nasoma paka mstari ya pili. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Kulikuyaka katikati ya taifa banabi babongo na kutakuya katikati yenu balimu babongo. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Bale bataingisha mubujanja tumafundisho tuabujanja. Et qui en réuniant les maîtres qui les a rachetés. Na bale benye kukatala mwalimu ule alibakombola attireront sur eux une ruine soudaine. Batajikokotea yulu yabo haribifu ya ghafla. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Bamingi batabafuataka mukule kukosa kutii kwabo. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Na njia ya ukweli itazingiziwa juu yabo. Les faux ouins, les faux prophètes, banabi babongo, les séducteurs, batongozi, qui apparussent benye kupati konekana avant l'avènement d'une véritable prophétie, mbele ya kutimilika, avant l'accomplissement d'une véritable prophétie mbele biblique, ya kutimilika kwa unabia bya kweli ya mubiblia, c'est seulement Satan ni shetani tu qui a un objectif mwenye kuwa na kifukuzio d'empêcher aux gens de croire à la vérité qui viendra après. Ya kujibiria bantu baamini ile ukweli ambayo iko nakuja kisha. Parce que la vérité de Dieu juu ukweli ya Mungu sera calomnié itazingiziwa et les gens prendront la vérité de Dieu comme étant un mensonge. Na bantu batabeba kweli ya Mungu inakuwa sabi ya bongo. C'est vrai. Quand vous prenez dans Actes des Apôtres chapitre 5, même avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des démons qui se sont levés seulement pour embrouiller les gens. Gamaliel en parle. Actes des Apôtres chapitre 5, Matenda wa mitume sura ya 5, dans son verset, commençons au verset 34 jusqu'au verset 39. Tuanzie mstari wa 34 paka 39. Mais un pharisien nommé Gamaliel, lakini mfarisayo moya mwenye kuitwa Gamaliel, docteur de la loi, mwalimu wa sheria, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrin, akalamuka kule ku Sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Na akamuru wapate kutosha kwanza ba mitume. Puis il leur dit. Kisha akabambia. Hommes israélites. Bantu israélite. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Mukebe yange mobile munapenda kufanya kwa aba bantu. Car il n'y a pas longtemps qu'à Paris, Théodas. Jua kuyakwe wakati murefu kurionekana Théodas. Qui s'est donné pour quelqu'un? Ularijiweka sawa mtu hivi wakavumu. Et auquel sera hier environ 400 hommes. Na ule ambayo bari chekelea kadiri bantu 400. Non, ils se sont joints. Ukule bantu bari junga naye karibu bantu 400. Il a converti. Arigeuza bantu. Ah, 400 personnes derrière lui. Bantu 400 kumkongo yake. Il fit tuer. Ariwawa. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits en rien. Na bote bale bari mufuata, bari shindwa na bari potea. Ils ont été dispersés. Bari bazambarisha. Et leur aventure a pris fin. Na ile mizaa yabo ilifika kumwisho. Après lui. Kisha yeye. Parut Judas le Galiléen. Ukaonekana Judas Galiléen. À l'époque du recensement. Mwakati ya kuhesabia bantu. Et il attira du monde à son parti. Na akakokota bantu kungambo yake. Il périt aussi. Na ye akakufwa. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Na bote bale ambao walimfuata na bo bakazambalala. Vous remarquerez que Judas, mutaona kusema Judas, le Galiléen, ule ya kugalilea, est apparu exactement au temps, alipatikana kabisa kabisa mwakati, où César avait exigé le recensement dans son royaume. Mule wakati mfalme César alisemaka hesabie bantu bote mfalme wake. À cette époque-là, na mule wakati ile, Israël attendait la venue de leur Messie. Israël alianza kuchunga kuruya kwa Masia wabo. Et à ce moment-là, Marie, la femme de Joseph, était enceinte. Na mwile wakati Maria bibi wa Yusufu alikuwa na mimba. Vous pouvez le lire dans Luc au chapitre 2 au verset 1, à partir du verset 1. Mnaweza kusoma Luka sura yake ya pili. En ce temps-là parut un édit de César Auguste. Mwile wakati wakuya agizo ya César Auguste. Ordonna un recensement de toute la terre. Akamuru baisabie bantu ulimwengu mujima. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ile kuhesabia kwa bantu kwa kwanza kulifanyika wakati Quirinius alikuwa mjiwali wa Syrie. Allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Kila mtu alienda bakamhesabie mumuji wake. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Joseph naye akapanda ku Galilée mji wa Nazareth juu ende ku Yudée mu inchi yake ya David. Appelé Bethléem, yenye kuitwa Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ijua alikuwa wa munyumba na wa mujama ya Daudi. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Juba pate kujandikisha pamoja na bibi yake Maria, ule alikuwa mchumba yake, juu alikuwa na mimba. Vous voyez comment Satan fait? Unaona namna gani shetani kunafanya? Donc avant la réalisation d'une promesse, mbele kutimilika kwa malako fulani, Satan est prêt à embrouiller les gens. Shetani iko tayari kuvuruka bantu. Il suscite de faux prophètes. Eko na lamusha banabii ba bongo qui se considèrent comme ceux qui sont annoncés, comme les vrais qui sont annoncés dans la parole. Benye kujonekanisha sa babi ya kweli bale balitangaziwa muneno ya Mungu. Pour que les gens refusent celui qui viendra de la part de l'Éternel, juba watu wapate ukatala ule atatokea kupande wa Bwana, l'associant au nombre de faux. Mukumweka ule wabia kweli mu bantu babia bongo. C'est vrai frère. Bibia kweli nduku. Avant la venue, mbele ya kuya, du dernier messager de l'église de Laodicée. Ya mujumbe wa mwisho ya kanisa ya Laodikia. Et avant la proclamation du message biblique du temps de la fin, mbele ya kutangaziwa kwa mujumbe wa Biblia wakati wa mwisho, pour préparer l'épouse en vue de l'enlèvement, ya kutayarisha bibi harusi juu ya kunyakuliwa, il y a eu aussi kulikuwa nako des adventistes du septième jour, bashika sabato, il y a eu des témoins de Jéhovah, kulikuwa bashuda ya Yehova, qui se sont levés bale nabo bali la mukaka pour embrouiller les gens juu ya kuvuruka bantu. Avant que ce message n'arrive, mbele ya mujumbe ipate kuya, peut-être quelques-uns d'entre vous n'étaient pas encore nés. Pengine ba mingi katikati yenu walikuwa bayazarika. Ce sont les témoins de Jéhovah, ilikuwa ni bashuda ba Yehova, qui faisaient fureur. Bale walikuwa na kavumu. Toutes les églises, makanisa yote, tremblaient devant les témoins de Jéhovah. Ilianza kutetemeka kumbele ya bashuda ya Yehova. Leurs enseignements mafundisho yabo semblaient être plus proches de la Bible, ya Biblia, parce qu'eux-mêmes s'appelaient étudiants de la Bible. Ba kujifunza Biblia. Ils allaient de porte en porte. Sasa kwenda mulango kwa mulango. C'était la méthode que Satan avait utilisée pour embrouiller les gens. Juu ya kuvuruka nao bantu. Pourquoi? Juu ya nini? Satan savait que le temps de la fin est là et Dieu Namungu est prêt à libérer son message pour préparer l'épouse. Il fallait qu'il y ait quelques gens pour embrouiller les peuples. Oui, bien mes frères, les adventistes, les témoins de Jéhovah, et même quelques prédicateurs méthodistes et quelques prédicateurs presbytériens, ces gens ont fait fureur. Et quand vous voyez la doctrine des témoins de Jéhovah, les doctrines des adventistes du septième jour, ils sont entremêlés. Vous voyez bien mes frères, parce qu'ils viennent presque de la même souche. C'est vrai. Et toutes ces choses là sont seulement apparues pour embrouiller les gens. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Alors que les 70 semaines de Daniel, comme nous avons montré, et nous nous cessons de le dire, c'est un calendrier qui nous aide, nous, les gens des nations, à bien voir que le retour du Seigneur est proche. Dieu tu pate kuona mzuri kusema kurudia kwa Bwana kuna karibia. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ndio nduku na dada mpendwa. C'est dans cette optique que nous avons parlé des adventistes et des témoins de Jéhovah. Ni muile ali tulisemea juu ya bashika sabato na bashuda ya Yehova. Et nous avons fait ce calcul qui est ici au tableau, dont j'ai déjà fini la correction. On va vous imprimer et vous distribuer le schéma la semaine prochaine. C'est déjà sorti. Il ne reste que l'impression et la multiplication afin de vous les distribuer. Alors on a mis ce tableau là pour que ceux qui n'ont pas pu écrire, ici, moi je ne veux pas voir le tableau. Pour que tout le monde voie un peu plus clairement. Les calculs, vous les aurez sur le fait qu'ils vous seront distribués. Ici, c'est quand même bien fait pour que tout le monde voie. Maintenant, pour terminer la pensée que j'avais laissée vendredi, nous avons parlé de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et nous vous avons dit na tulimionesha que si cet ange d'Apocalypse 7 verset 2 kama ule malaika wa Ufunuo 7 mstari ya 2 a arrêté les quatre anges d'Apocalypse 7 1 qui avaient les instruments de destruction du monde arishimamishaka wale wa malaika ine benye barikuweka na biombo juu ya kupomona nabyo dunia leur disant ne faites pas du mal à la terre ni à la mer. Mukubaonesha kusema msifanishie vibaya dunia au bahari. Lisons l'écriture. Tusome ile andiko. Apocalypse chapitre 7 verset 2. Ufunuo sura ya 2. Après cela, j'ai vu quatre anges. Kisha pale nikaona ba malaika ine. Debout aux quatre coins de la terre. Benye kushimama makona yote ine ya dunia. Ils retenaient les quatre vents de la terre. Barikuwa banashika mapepo ine ya dunia. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. Ju pepo isivume tena pa dunia. Ni sur la mer. Au kubari. Ni sur aucun arbre. Au yulu ya muti hata moja. Et j'ai vu un autre ange. Kisha nikaona malaika mwingine. Qui montait du côté du soleil levant. Alianza kupa anda kule jua iko natokea et qui tenait le sceau de Dieu vivant na alikuwa na muhuri ya Mungu aliye hai il cria d'une voix forte aux quatre anges alilalamika na sauti mkubwa kwa wale wa malaika hili à qui il avait été donné de faire mal à la terre et à la mer bale ambao walikaburi aka uwezo wa kufanyishia vibaya dunia na bahari et il dit na akasema ne faites point de mal à la terre ni à la mer musifanyishie vibaya dunia au bahari ni aux arbres au kumichi jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu kufika paka pale tutaweka muhuri ku buso ya watumishi ya Mungu wetu si cet ange d'Apocalypse 7 verset 2 kama huu malaika wa Ufunuo 7 mstari ya 2 qui avait le sceau de Dieu entre ses mains ule alikuwa na muhuri wa Mungu mkono yake a crié aux quatre anges alilalamikia bale wa malaika ine qui voulait faire du mal à la terre et à la mer bale walipenda kufanyishia vibaya dunia na bahari c'est parce que Dieu avait encore un travail à faire avec les élus ni juu Mungu alikuwa akingari na kazi ya kufanya na bateule bake l'âge lui-même de la Odyssée n'avait pas encore reçu son message. L'épouse n'était pas encore préparée. Et il y avait les 144 000 à qui devait recevoir le sceau parmi les restes d'Israël afin de mettre aussi fin aux 70 semaines de Daniel, Dieu a kuweka tena mwisho kwa majuma 70 ya Daniel, qui sont le plan du salut d'Israël. Yenye kuya mapu ya wokovu ya Israël. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nduku na dada mpendwa. Si cet ange n'avait pas été arrêté, kama huyu malaika basibamisha, si cet ange n'avait pas arrêté cette guerre, kama huyu malaika sibamisha invita, comme nous l'avons déjà montré, tushakuonesha, le monde serait complètement détruit. Hii dunia ilipasha kuya ishakuharibika yote. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi nous nous devons prêter très attention à ce qui est dit. Maintenant, suivez-moi avant de commencer autre chose. Dans l'an 0, que nous avons déjà expliqué cela jeudi. L'an zéro de notre ère, vous qui écrivez, notez cela. Moi, venez kuandika mpate kuandika ile mwaka zéro ya i wakati yetu. L'an zéro de notre ère, mwaka zéro ya i wakati yetu. Nous avons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko na kuzarika kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et lorsque nous prenons Matthieu 21, na wakati tunabeba Mathayo 21. Matthieu au chapitre 21. Mathayo sura yake ya 21. À partir du verset 1, kuanzia pa mstari yake ya kwanza. Vous pouvez aller jusqu'à la fin, parce qu'on ne saura pas tout lire. Nous voyons ici, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est entré dans Jérusalem. Le 2 avril, siku ya pili ya mwezi ya ine, de l'an 30, ya mwaka makumi tatu, 30 ans après, kisha miaka makumi tatu, le 2 avril, l'an 30, siku ya pili ya mwezi ya ine mu mwaka ya makumi tatu, dans Matthieu 21, Matthieu 21, Jésus-Christ entre en Jérusalem. Akaingia mu Yerusalema. Le 4 avril, siku ya ine ya mwezi ya ine, dans l'an 30, mu mwaka ya makumi tatu, nous avons les questions posé à Jésus-Christ par ses disciples. Tuko na maulizo ile iliulizwa na bamitume yake. Alimuuliza Yesu. Matthieu au chapitre 24. Matayo sura yake makumi mbili na ine. Cette scène que la Bible nous montre ici, c'est passé le 4 avril en l'an 30. Le verset 1 et le verset 2 de Matthieu 24, ça s'est passé l'avant-midi du 4 avril l'an 30 ya siku ya ine ya mwezi ya ine mu miaka makumi tatu, et le verset 3 na mstari wa tatu, à partir du verset 3 kuanzia pa mstari wa tatu, la scène s'est passée l'après-midi du 4 avril en l'an 30. Hii mambo nayo ilifanyika ni paka ile siku ya ine me mangaribi mu mwaka ya makumi tatu. Et après tout cela, na kisha bile biote, Jésus-Christ a été trahi par Judas. Yesu bari mutoa kuko Yuda. Comme vous le savez, vile munaiua, il est mort. Arikufa. Après trois jours, il est ressuscité. Kisha mashiku tatu akafufuka. Et le jour de la Pentecôte, na siku ya Pentecôte, donc après qu'il soit ressuscité, il est monté au ciel. Kisha kufufuka kapanda ku mbingu. Et après la Pentecôte, na kisha Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais les disciples, le peuple juif l'avait déjà rejeté. Lakini taifa ya Bayuda ilikuwaisha kumkatala. Arrivé maintenant à l'an 30. Kufika sasa mwaka makumi tatu. Comme les juifs avaient réclamé son sang, vile Bayuda walilazimisha damu yake, en l'an 30, Titus le général romain, mwaka makumi tatu Titus jamadari romain, l'an 70, oui. Mwaka makumi saba. En l'an 70, mwaka makumi saba, le général Titus romain, uyo jamadari Titus romain, était venu assiéger la ville. Alikuya kukamata mukini. Il détruisit et la ville et le temple. Akapomona na muji na ekalu. Pour accomplir la parole de Jésus-Christ, juya kutimiza neno ya Yesu Christu, que nous avons lu dans Luc 21. Ile tulisoma mu Luka makumi mbili na moya. Dans son verset 20 à 24. Mstari yake makumi mbili na makumi mbili na ine. C'est pourquoi quand vous regardez ici dans sur le chemin, ndio kwa maana wakati mnaona hapa pa ubao, voyez, après l'an 33, après la mort, dans la défense là, il y a une barrette rouge. C'est pour seulement vous montrer que c'est en l'an 30 où la destruction de la ville et du temple a été consommée. Et Israël a été dispersé sur toute la terre. Na Israël a rizambalala ulimwengu mujima. Et la nation israélite a cessé d'exister. Na taifa ya Israeli ilishimam haikuanza tena kuikala. Parce que depuis la Pentecôte, du kuanzia ku Pentecôte, comme les Juifs avaient rejeté Christ, vile Bayuda walimkatala Kristo, leur Messie, Masia wabo, Dieu s'était tourné maintenant vers les nations. Mungu aligeuka basi ku mataifa. C'est ainsi que vous regardez ici. Donc, après la mort de Christ, Dieu arrête le plan de 70 semaines de Daniel à la 69e semaine. Mungu akashibamisha mapwi ya majuma makumi saba ya Daniel. Et il introduit les sept états de l'Église pour sauver maintenant les nations. Dieu a kokola mataifa. Qui avait accepté l'offre du calvaire? Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans les âges de l'Église. Mais nous sommes maintenant à la fin de l'âge de l'Église de la Odyssée. Maintenant, dans cet état de la Odyssée, vers 1906, vous qui notez, c'est le début de la Pentecôte. Après que Dieu ait commencé à restaurer la parole depuis l'Éther, kisha Mungu kwanza kurudisha neno kuanzia kwa Luther, avec Wesley, kupitia Wesley, maintenant vers 1906, sasa kufika 1906, Dieu fait descendre son Saint-Esprit avec des dons, la manifestation des dons. Mungu akashusha roho yake mtakatifu na kuonekana kwa mazawadi. Et le Saint-Esprit na Rome takatifu vient maintenant pour restaurer les dons inakuya sasa kurudisha mazawadi et apprêter les cœurs pour la parole qui serait proclamée na kutayarisha maroho juu ya neno ambao itatangaziwa. Mais le 6 lakini le 6 avril 1909 les 6 c'est moi qui a in 1909. C'est la naissance de William Marion Branham. Nikuzalika kwa William Marion Branham. Qui est né sous un signe surnaturel. Ule alizalikaka chini ya alama ya kimungu. Comme nous l'avons déjà montré, entre la fin de l'âge de Philadelphie qui est le sixième. Vile tushakumeonesha kusema katikati ya mwisho ya kizazi cha Philadelphie yenye kuya ya sita. Et le début de cet âge de la Odyssée qui est le dernier. Na mwanzo ya hii kizazi cha Laodikia yenye kwa ya mwisho. Pendant ce temps de chevauchement. Mwile wakati ya kumwisho mwisho kule. C'est le début de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit avec les dons. Ndio kumwanzo ya Pentecôte ya kushuka kwa Roho Mtakatifu na mazawadi. Mais c'est presque 3 ans après. Ni kadiri ya miaka tatu kisha. Il y a maintenant la naissance. Kuko sasa kuzarika. Du prophète. Kwa nabii. De l'âge de la Odyssée. Wa kizazi kya Laodikia. Qui est le dernier âge. Yenye kuya kizazi kya mwisho. Et William Marion Branham. Na William Marion Branham. Et le dernier prophète ni nabi wa mwisho parmi les nations ku bantu ya mataifa. Vous voyez, munaona, né le 6 avril 1909 mwenye kuzarika siku ya sita ya mwezi ya 4 1909 sous un signe surnaturel chini ya maalama ya kimungu. Vers 1914, cette année qui nous a conduit à parler sur les erreurs des adventistes et des témoins de Jéhovah. Ile mwaka ili tusukuma tupate kusemea mankosa ya bashuda ya Yehova na bashika sabato. Les pentecôtistes ba pente commencer à s'organiser en dénomination. Bakaanza kufanya kujitengeneza mazebu. Juste quelques années après la naissance du messager de l'âge de la Odyssée. Kadiri tu kisha tu miaka kiloko kisha kuzarika kwa mujumbe wa ikizazi kia saba. Ils ont commencé à se constituer en dénomination. Bakaanza kutunga mazebu. Qu'on appelait Assemblée de Dieu. Balianza kuita ma Assemblée de Dieu. Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Ainsi de suite. Na vingine hivi. Dans la même année, mwile mwaka moya moya ile, en 1914, il y a la première guerre mondiale, kukakuya mvita ya kwanza ulimwengu mzima, dans laquelle tous les pays du monde, mwile ambao mainchi yote ya ulimwengu mzima, entre en guerre contre l'Allemagne. Iliingia mvita mukombanisha Allemagne. Cette guerre, ile mvita ile, qui fut arrêtée par miracle, par cet ange d'Apocalypse 7.2, comme nous l'avons montré dans les jours passés, qui s'est achevé, qui a pris fin, donc les 11-11, à 11h 1918, par la décision de Dieu lui-même, kupitia mpango ya Mungu ya mwenyewe, pour les raisons que nous avons déjà évoquées, juu ya masababu ambayo tulisha kuisema, parce que Dieu ne pouvait pas permettre que la terre soit détruite, juu Mungu asipenda hii ulimwengu ipate kupomoka, alors qu'il y avait des élus qui devaient être appelés, wakati kulikuwa kuzingari bateuli walipasha kuitwa. Arrivé en septembre 1928, kufika sasa mwezi ya kenda 1928, là il y a la conversion du prophète William Marion Branham. Kule kukakuya sasa kugeuka kwa nabii William Marion Branham. Ça, j'ai expliqué ça dans les actes de l'église que vous pouvez lire. Ile vous pouvez réécouter parce que se trouve sur les bandes. Mvizazi ya kanisa mnaweza kubiko mu matepe. Comment il s'est converti chez les baptistes? Namna kana aligeuka kwa baptiste. Comment il cherchait Dieu? Namna alianza kutafuta Mungu. Comment il a écrit les lettres au Seigneur? Namna alimwandikia Bwana barua. Vous voyez? Unaona. Vous pouvez l'écouter. Unaweza kuisikia. Dans ces bandes. Mwile matepe. Sur les actes de l'église. Bizazi bya kanisa. Septembre. Mwezi ya kenda. 1928. 1928. Nous avons la conversion. Tuko na kugeuka à du prophète kwa nabi, le dernier messager mujumbe wa mwisho, du septième âge de l'église kwa kizazi kia saba kia kanisa, le 11 juin le 11 mwezi ya sisi 1933 à Oyo au fleuve Oyo 1933 ku Oyo, l'ange du Seigneur malaika wa Bwana rencontre Branham, akakutana na Branham pour lui donner un message juu ya kumkaburia mujumbe, qui préparera ile itatayarisha le retour de notre Seigneur Jésus Christ, kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Dormez-vous? Munalala? Est-ce que vous dormez? Eti muko nalala? Regardez comment, angalia namna, les événements commencent à se succéder. Mama ndamano naanza kujifatirisha. Ce n'est pas pour rien que j'évoque ces dates. Aina kwa bule niko nalamusha hii madate. Voyez, unaona? Remarquez, angalia. Depuis 1906, kuanzia 1906, lorsque le Saint-Esprit est descendu, wakati Roho Mtakatifu ilishuka, pour restaurer les dons, juu ya kurudisha mazawadi, au début de l'âge de la Odyssée, mwanzo wa kizazi cha Laodikia, vous voyez, unaona? Quelque temps après, wakati tu kiloko, il y a la naissance, au kuzarika, sous un signe surnaturel, na maalama ya kimungu, du messager de l'âge de la Odyssée, ya mujumbe wa kizazi cha Laodikia. En 1914, 1914, les Pentecôtistes se forment en dénomination, bapente banafanya mazebu, et quand les Pentecôtistes commencent à se former en dénomination, wakati bapente banaanza kufanya mazebu, madhehebu. L'ange d'Apocalypse 7, 2. Malaika wa Ufunuo 7, 2. Voyez, les quatre anges d'Apocalypse 7, 1. Ba malaika ine ba Ufunuo 7, 1. Veulent détruire la terre. Walipenda kupomona dunia. Mais l'ange d'Apocalypse 7, 2. Lakini malaika wa Ufunuo 7, 2. Arrête la terre. Akashibamisha vita. Parce qu'il y avait des gens. Yukurikuwa bantu. Il fallait baptiser du Saint-Esprit. Walipasha kubatizwa na Roho Mtakatifu. Kuwekwa muhuri na Roho Mtakatifu. Voyez. Munaona. L'ange arrête la guerre. Malaika anasimamisha vita. Mais arrivé maintenant. Sasa kufika sasa. Dans en 1900 et en 1928. En 1928. Au mois de septembre. Mwezi wa kenda. Le prophète s'est converti. Nabi akageuka. Le 11 juin. Le 11 mois de 6. 1933. Au fleuve Oyo, lorsqu'il baptisait ses premiers convertis. L'ange du Seigneur descend. Malaika wa Bwana anashuka. En présence de plus de 4000 personnes. Mbele ya kadiri bantu kupita. Et donne le message à William Marion Branham pour lui dire. Na nampatia mujumbe na kumwambia. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. Vile Yohane Mbatizaji alitumwa. Pour préparer la première venue de Christ. Juu yako tayarisha kuja kwa kwanza kwa Kristo. Un message t'est donné. Mujumbe moye na kupewa. Pour préparer ma seconde venue. Juu yako tayarisha kurudia kwangu kwa pili. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Après que William Marion Branham. Kisha William Marion Branham. Ait reçu son message. Alipata mujumbe yake. Le 22 juin. Le 22 juin 1933, Dieu lui donne la vision de ce tableau prophétique qui concerne le monde entier. Même tout ce que nous vivons aujourd'hui ici, le progrès de la science, la corruption de la femme, la méchanceté des gens, Branham en a vu dans les visions. Dieu lui avait montré cela. Dieu lui a montré ce tableau prophétique. Arrivé le 7 mai. Kufika sasa le 7 mois ya 5. 1946. La charte panaméricaine. La charte panaméricaine. Fut signée reconnaissant Israël. Bariweka saini mkujua Israël. Comme un état autonome. Sawa inchi yenye kuwa na mamlaka yayo. Et quand on signe. Na wakati unaweka saini. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Rencontre Frère Branham. Anakutana na Frère Branham. Pour l'envoyer. Kwa kumutuma. Sur la terre. Pa dunia. Voyez. Unaona. Quand on signe seulement. Wakati unaweka tu saini. Par cette charte panaméricaine, oui, charte panaméricaine, reconnaissant qu'Israël comme un pays autonome, ben kujua sasa Israël kusema inakuwa inchi na utawala yake, malaika wa Bwana va rencontrer akenda kukutana le messager mujumbe du dernier âge de l'église kwa kizazi cha mwisho ya kanisa pour l'envoyer sur le champ de mission. Ndio kumtuma sasa mukazi le 5 juillet. Le 5 juillet 1946 à Jeffersonville. 1946 à Jeffersonville. L'ange visite Frère Branham. Malaika kamtembelea ndugu Branham. Et lui donne des signes surnaturels. Na kampatia malama mbili ya kimungu. Pour accomplir bien sa mission. Jia kutimiza mzuri kazi yake. L'église est avec moi. Kanisa iko pamoja na mie. Je réponds là. Narudilia ile. Le 7 mai. Le 7 mai 1946. La charte panaméricaine. La charte panaméricaine. Fut signée reconnaissant. Parisigné benye kutambua. Israël comme un état autonome. Kutambua Israël sa inchi yenye kuwa na mamlaka yayo. Et au même moment. Na mwakati moya moya ile. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Rencontre William Marion Branham. Akenda mkutanisha nduku Branham. Qui est le dernier prophète. Mwenye kuwa nabii wa mwisho. Du dernier âge de l'église. Wa kizazi kya mwisho kya kanisa. Et l'envoie avec l'évangile. Na kumutuma na Injili, sur toute la terre. Dunia mujima. Arrivé le 5 juillet. Kufika sa le 5 juillet. 1946. Frère Branham reçoit la visite d'un ange. Ndugu Branham. De l'ange du Seigneur. Malaika kwa kumtembelea. Qui lui annonce les deux signes. Akamutangazia malama mbiri. Qui l'accompagnerait pendant son ministère. Ile tamushindikiza mutumishi yake. Pour accomplir sa mission. Juu atimize kazi yake. Et arrivé le 14 mai. Kufika sa le 14 mai 1948. Israël est proclamé état indépendant et souverain. Israeli ikatangaziwa kuya inchi yenye kuya na utawalo yake yoyo yenyewe. En 1948, retour d'Israël dans son pays pour attendre le Messie. Kurudia kwa Israel mwinchi yake jo kuchunga masia wake. Toujours en 1948. Paka 1948. Foi banam voulait visiter Israël pour prêcher l'évangile. Ndugu banam alipenda kutembelea Israël juu ya kuhubiri habari njema. Pendant qu'il était au Caire, avec son billet entre ses mains. Wakati alikuwa kingari ku Caire na cheti yake kumikono. Parce qu'il croyait qu'avec le ministère que Dieu lui avait donné. Ndio alianza kuamini kusema na butumishi bule Mungu alimkaburia. Les Juifs croiront à ce message. Sasa Bayuda na baba taamini kuile mjumbe. L'ange est venu vers lui pour lui dire. Malaika alikuja kwake kumwambia. Tiens-toi éloigné. Wende mbali. Israël. Na Israël. En d'autres termes. Sema kwingine. Toi tu n'es qu'un prophète des nations. Wewe uko ni nabii wa mataifa. Va accomplir ta mission parmi les nations. Katimize kazi yako katikati ya watu wa mataifa. Laisse Israël tranquille. Acha Israël benye kutulizana. Son temps n'est pas encore là. Wakati yake hayafika. Parce que lui ne reçoit que ses frères juifs. Juu ya napokea paka banduku yake Bayuda. Pourquoi? Juu ya nini? Il y a encore. Ukingariki tena. Deux prophètes qui lui seront envoyés. Banabii wawili watatumiwa. C'est à ce moment-là que lui. Joko mwile wakati yeye. Reconnaîtra son message. Atatambua ujumbe yake. C'est pourquoi. Njoko maana. Tiens-toi éloigné de la Palestine. Wende mbali na Palestine. Arrête ces ailes-là avec Israël. Acha ile bidi ngambo ya Israël. Son heure n'est pas encore là. Wakati yake yeye alifika. Vous voyez? Munaona. Et arrivé. Na kufika. En décembre 1960. Mwezi wa 12 1960. Il y a la révélation de cet état de l'église. Kuko kufunuliwa kwa vizazi saba vya kanisa. D'Apocalypse 1 2 3. Mufunuo ya kwanza ya pili. Et à la fin de cet enseignement. Na kumwisho ile mafundisho. Frère Branham, après avoir enseigner, vous voyez, le Saint-Esprit est descendu lui-même. Et il a dessiné au tableau pour confirmer ce que Frère Branham avait enseigné au public. Et pour assurer que ce qu'il avait dit était la pure vérité. Maintenant, arrivé le 28 février. Sasa kufika le 28 mwezi wa pili 1963 là maintenant pale sasa il y a l'ouverture kwa sasa kufunuliwa de saut kwa miuri c'est l'ouverture kufunuliwa de toute la parole ya neno yote de toute la bible la biblia yote parce que l'épouse wa harusi devait connaître toutes choses avant son départ mbele aye kwenda cacherais-je Abraham ce que je vais faire kufanya. Parce qu'Abraham sera certainement une grande nation Ibrahim kabisa takuya taifa l'ange du Seigneur est venu malaika wa Bwana alikuja. Vous voyez unaona. Il descendait alishuka, chaque jour shiku, à l'ouverture de chaque saut pour muri, expliquer donner la révélation à Frère Branham. Ufunuo, ndugu Branham. C'est pourquoi la révélation de cette saut c'est l'ainsi dit le Seigneur. Anasema. Vous voyez bien mes frères. Maintenant, le 28 février 1963, il y a eu l'ouverture alors de toute la parole. Et en juillet 1964, Dieu montre maintenant à Frère Branham la vision de l'épouse. Oh non, ya bibi wa harusi. Vous voyez? Mnaona. Et lui montre en même temps na la vision de cette église apostate. Oh non, ya hii kanisa yenye kuacha imani. Ça c'est en juillet. Ile mwezi wa sita. 1964. Et arrivé le 18 décembre. Na kufika le 18 décembre. 1965, à Marilo, Frère Branham fait un accident d'automobile. Ndugu Branham akafanya msiba ya motoka. Le 24 décembre 1965, toujours à Marilo, paka ku Marilo, à Texas, ku Texas, Le décès de Frère Branham est confirmé. Kufa kwa ndugu Branham kuhakikishiwa. Et le 11 avril 1965, à Jeffersonville, c'est l'enterrement de William Marion Branham. Ni maziko ya William Marion Branham. Regardez. Mutazam. J'ai noté ces dates. Niliandika hii madate. Non pas pour rien. Aina kwa bule. Et si le messager, regardez ici. Na kama mujume mwangalia hapa. Où est la craie? Chaki iko wapi? Une craie rouge. Chaki amekunda. Ici, il y a la description. Ah, ici, Douglas n'avait pas souligné ici. Apa, Douglas, ça, c'est l'an 70. Apa, ni mwaka makumi saba. Ça, c'est l'âge de l'Odyssée. Iki ni kizazi kia l'Odikia. Je vous barre vous. Mina mi tosha mwe. Ça, c'est l'âge de l'Odyssée. Iki ni kizazi kia l'Odikia. Njoku tuiko. Nous ne sommes même pas ici au début. Atona tako kumwanzo. Tout ce qu'on vous a expliqué sur la descente de l'ange, bile yote mifasiria juu ya kushuka kwa malaika, vinapatikana hapa. Maintenant, tout ce que nous vous disons ici, bien, se trouve ici. Bien, patikana, apa. Nous, nous sommes maintenant juste quelque part là. Chez tout à quelques poussières de tierce du temps pour le retour du Seigneur. Et quand nous parlons de ces choses, le message est déjà proclamé. Le prophète est déjà enterré. Il y a plus de 50 ans. Maintenant, après l'enlèvement de l'épouse, Dieu va arrêter avec les nations. Il va retourner à Israël pour achever la dernière semaine. Et vous tous, vous savez, comme on l'a déjà enseigné, que Dieu ne travaille pas avec les deux nations ensemble. Si les choses sont ainsi, où sommes-nous alors? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Le temps est très avancé. Ce qui nous retient aujourd'hui, nous ne savons pas exactement où se trouvent les derniers élus qui doivent entrer au corps de Christ. Quand le dernier élu entre au corps, il est scellé dans le corps de Christ. Dieu ferme la porte aux nations. Il enlève l'épouse. Et il va s'occuper maintenant d'Israël. Voyez bien mes frères. Même le passage des trempes quoi trempes n'a pas été inaperçu ou ne doit pas être inaperçu. Voyez bien mes frères, ça fait plusieurs années que le président américain évite la question de Jérusalem comme la capitale éternelle d'Israël. Dieu a suscité Trump pour que tout le monde sache que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ce n'est pas la capitale des Palestiniens, les musulmans. Non pas Israël comme capitale. Abana na Jérusalem sa capitale yabo. Non pas Israël comme lieu saint. Abana na Jérusalem sa fasha takatifu. Ils ont leur lieu saint ailleurs. Beko na mafashi yabo ingine takatifu. Ça c'est la ville du grand roi David. Ile ni muji ya mfalme mkubwa Daudi. Du grand roi Salomon. Ya mfalme mkubwa Salomon. Et même l'histoire profane. Ata hadithi yenye tu ya. Et même la Bible. Ata Biblia. Tout le monde, même les musulmans. Ata ba musulma benyewe. Savent que. Banajua kusema. Depuis longtemps, Israël, Israël a toujours eu comme capitale Jérusalem, qui est la capitale de Dieu lui-même. Yenye kuya muji mkubwa ya Mungu mwenyewe. Oui, bien mes frères. Unaona wapendo anduku. Mais cela comprenez qu'il n'y a plus de temps. Sasa muelewe kusema hakuna tena wakati. Voyez avec les dates que je vous donne. Munaona na madate mimi nampatia. Regardez comment les événements s'enchaînent. Angalia namna gani maandamano yako nafatirishana. C'est pourquoi Bwana nous a dit. Ndio ndio Bwana anambia. Observez. Mangalishisha. Depuis 1914. Kuanzia 1914. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Et sur la terre. Yuko pa dunia. Siona toute la terre. Yuko kuzunguluka dunia nzima. Yuko naenda na kurudia. Il revient. Anaenda na pour préparer l'épouse en vue de l'enlèvement. Maintenant, toi et moi, sommes-nous dans cette préparation? Êtes-vous visité par le Saint-Esprit? Cet ange-là, c'est le Saint-Esprit. Voyez bien mes frères. Êtes-vous visité par le Saint-Esprit? Le message est déjà proclamé. L'ouverture des choses est déjà accomplie. Nous vivons quelques poussières de pièces du retour du Seigneur. Et toi, tu continues à vivre dans le péché. C'est très grave. Vous voyez. C'est pourquoi on doit arrêter les amusements. Vous qui pensez que la politique va améliorer les choses, vous êtes seulement séduit. Vous qui négligez votre préparation en vue de l'enlèvement, vous pensez que au Congo ou dans le monde, il y aura un président qui va arranger les choses. Vous trompez. C'est parce que votre cœur n'est pas attaché au Saint-Esprit que vous croyez de cette manière. Quiconque a le Saint-Esprit en lui ne peut rien espérer sur cette terre. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez, avant que le message ne vienne, Satan a commencé déjà, depuis 1800, avec les Adventistes, les témoins de Jéhovah, vous voyez, il a commencé déjà à préparer, donc les gens dans les fausses choses, parce que Satan sait. C'est pourquoi la date du retour du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais connue, sinon Satan commettra beaucoup de choses et commettra beaucoup de bavures. C'est vrai, frère. Je m'arrête là. Est-ce que l'Église a compris? C'est une parenthèse que nous avons ouverte. Avec cet ange d'Apocalypse, 7, verset 2, Mstari avec la prophétie, na ou les prophéties, parce qu'ils ont beaucoup, ils ont donné beaucoup d'années. Na maunabi, leta, des Adventistes, des témoins de Jéhovah. Ya bashika sabato, na bashuda Jéhovah. Je voulais introduire. Niripenda kuanzisha. Il me reste combien de temps? 20 minutes. Tout. Je vais introduire le temps des nations. Nous y reviendrons sur ce qu'on a déjà dit. Avec d'autres détails. Suivez très bien. Nous voulons maintenant parler des temps, du temps des nations. Tunapenda sasa kusemea juu ya wakati ya mataifa. Sur la dernière semaine, nous allons y revenir. Kwa ile juma ya mwisho tutarudilia hako. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Eden. Kisha kuanguka kwa mtu mbustani wa Eden. Comme vous êtes tous des lecteurs de la Bible. Vile moi bote moko basomai ba Biblia. Caïn tua son frère Abel. Kaina aliwa ndugu yake Abel. Et il fut chassé de la présence de Dieu. Na alifukuzwa muwepo ya Mungu. Dans la Genèse au chapitre 4. Mu mwanzo sura yake ya 4. Dans son verset 8, vous pouvez aller jusqu'à 15. Mstari wa 8 mnaweza kwenda mpaka 15. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Kaina aka sema na nduku yake Abel. Mais comme ils étaient dans le jardin, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn akalukia nduku yake Abel na akamua. L'Éternel dit à Caïn, wa milele akamwambia Kaina, où est ton frère Abel? Eko wapi nduku yako Abel? Il répondit, akajibu, je ne sais pas. Mishiwe, suis-je le gardien de mon frère? Eti niko mchungaji wa nduku yangu. Dieu dit, na Mungu akamwambia, qu'as-tu fait? Unafanya nini? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Sauti ya damu ya nduku yako kunalalamika kufika kutoka kubulongo kufika paka na kwangu. Maintenant tu seras maudit de la terre. Sasa utalaaniwa pa dunia. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ile ambayo ilifungula kinywa chake juu ya kupokea damu ya nduku yako. Quand tu cultiveras le sol, le sol, wakati utalima bulongo, il ne te donnera plus sa richesse. Haita ukaburia kama utajiri yayo. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Utakuwa wakuwayawaya na wakangaika pa dunia. Caïn dit à l'Éternel, Caïn akamwambia wa milele, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mapigo yangu iko mkubwa zinipate kuivumilia. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tazama unanifukusha leo pa hii dunia. Je serai caché loin de ta face. Nitakuwa mwenye kufichama mbali na uso yako. Je serai errant et vagabond sur la terre. Nitakuwa kuwayawaya na kuangaika pa dunia. Et quiconque me trouvera me tuera. Na wote atanikuta ataniua. L'Éternel lui dit, wa milele akamwambia, si quelqu'un tue Caïn, kama mtu anamua Kaina, Caïn sera vengé cette fois. Kaina ataripisha kisasi mara saba. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Na wa milele akaweka alama moja yule Kaina. Pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Juu yeyote atakutana naye ashimuue. Et après cet événement, na kisha ile mambo, Caïn alla à Nod. Kaina akenda ku Nod. Nod n'était pas une ville habitée. Kule kunoda kukwe moji yenye ilikuwa na bantu. Comme beaucoup de faux prédicateurs le disent, vile baubiri ba mingi ba bongo banasemaka, sur toute la terre, pa ulimwengu mzima, il n'y avait qu'Adam, kulikuwa paka Adam, il y avait Eve, kulikuwa Eva, il y avait Abel, il y avait Caïn, kulikuwa Kaina, il y avait Abel les quatre. Na kulikuwa Abel batu ine. Maintenant que Caïn tue Abel, sasa Kaina naua Abel. Abel n'était plus. Abel ashukuyeko. Il restait seulement Caïn. Kabakia pa Kaina. Et ses parents. Na bazazi yake. Nod signifie. Nod mana yayo. Pays des exilés. Inchi ya batu wa kukimbiria amo. Lorsque Caïn a fui devant la face, a été chassé de la présence de Dieu, wakati Caïn alipokusha muwepo ya Mungu, il est allé habiter, alienda kuikala, dans ce pays des exilés. Moinchi ile bantu wako nakimbiria amo. Cette contrée a été appelée Nod à cause de Caïn qui est allé s'exiler là en fuyant la présence du Seigneur. Ile inchi ilitiwa Nod ni juu ya Caïn ule alikimbia uwepo ya wa milele. Donc Nod n'était pas une ville où il y avait d'autres gens. Ni kusema Noda kwa mji mule mlikuwa bantu wengine hapana. Kula Kayen talepuze no. Kule ambao Kayen alienda kwao hapana. No, Kayen a attendu. Kayen alichunga. Après que Adam et Eve. Kisha Adam na Eva. Après un certain moment, ils ont eu des enfants, d'autres enfants. Et d'autres filles. Et Caïn a quitté le pays de Nod. Il est revenu vers ses parents. La nourricière. Et il a pris sa sœur. Qui l'a conduit à retourner de l'autre côté à Nod. Parce qu'il était errant. Il était un vagabond. Il pouvait être avec eux. Il pouvait venir là où Adam était. Et aller ailleurs. Parce qu'il était errant. Vous voyez. Et après quelques temps. Caïn engendra Enoch. Kaina akazala Enoch. Et bâtit une ville na kajenga muji qu'il donna le nom de son fils ile ambayo alikaburia njina ya mtoto yake mwanaume. Et c'est jusqu'à Lemek ni na kufika pa kwa Lemek. Après que Caïn se fut installé dans le pays de Nod, kisha Caïn na kuikala kule kuinchi ya Nod, il engendra son premier fils, Enoch. Akazala mtoto yake wa kwanza, Enoch. Et là, il bâtit une ville, na, parce qu'il n'y avait pas de ville. Na kule akajenga muji, jua kukwe mamiji. Et après avoir bâti une ville, na kisha ye kujenga muji kule, il donna à cette ville le nom de son premier fils, Enoch. Akakaburia ile muji njina ya mtoto yake wa kwanza, mwanaume Enoch. Mais remarquez une chose ici. Ça, c'est un gars qui est qui moi. Caïn a eu une progéniture. Caïn a eu un kizazi. Descendant du méchant. Yenye kutokea kwa mtu mubaya. De cette famille ou de cette race. Ya ile jamaa na mwile kizazi. Une génération méchante. Kizazi kimoya kya batu babaya. Fune. Kikazarika. Une race méchante. Kizazi kimoya kibaya. Fune. Kikazarika. De Caïn, kutokea kwa Kaina, vient une race méchante, kukatoa kizazi kimo kibaya, n'ayant aucun respect, kashipo kuyata na heshima moya, du véritable Dieu, ya Mungu wa byakweli, d'une génération méchante. Mu kizazi kia batu babaya venant du méchant kenye kutokea kwa mtu mubaya n'ayant aucun respect kiashipo kuya hata na heshima moya du véritable Dieu ya Mungu wa byakweli. Dans Genèse 4 là où nous avons lu, peut-être vous l'avez pas bien remarqué. Mwanzo sura ya 4 kule tulisoma tafsiri nyingine na mkuu angalisha mzuri. Dans son verset 9. Mustari yake ya kenda. Ici c'est Dieu. Hapa ni Mungu. Qui parle avec Caïn. Kuleko na sumuria na Kaina. Je lui pose une simple question. Mungu anamuliza tu ulizo moya. Je n'ai même pas grondé. Mungu asimfoke, asikufoka atakufoka. Il dit, où est ton frère Abel? Anamuliza, nduku yako Abel est kwa api? Écoutez la réponse. Iki ajibu. Je ne sais pas. Mishi uwe. Parce qu'il vient du père des mensonges. Dieu anatokea kwa baba wa bongo. Il ment à Dieu. Anamulanda Mungu. Je ne sais pas. Mishiyoe. Pour manifester son manque de respect. Dieu a kuonesha kukosa kwake kwa heshima. À l'égard de Dieu. Mbele ya Mungu. Il répond. Anajibu. Suis-je le gardien de mon frère? Eti niko mchungaji wa nduku yangu. Huyo yako na jibu ana rafiki yake. Huyo yako na jibu ni Mungu mumbaji wa mbingu na dunia. Il répond à Dieu, le créateur de la terre. Je ne sais pas. Michio. Est-ce que toi tu m'as établi ici comme le gardien de mon frère? Une génération méchante. Kizazi kya bantu babaya. Une race méchante. Kizazi kibaya. Qui n'a aucun respect. Chashipoku atane heshima moyo. À l'égard kumbele du véritable Dieu. Ya Mungu wa biakwe. Notez cela. Moyandike ile. Ça va beaucoup vous aider. Itamisaidia kabisa. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un, njoko maana wakati mnaona mtu, même aujourd'hui, hata leo, il n'a pas de respect, ashina na heshima, à l'égard de la parole de Dieu, kumbele ya neno ya Mungu, il doit être, anapasha kuya, de la race méchante. Wa mkizazi cha watu wabaya. Quand vous voyez un homme, wakati mnaona mtu, ou une femme, au mwanamke moya, qui ne tient pas compte de Dieu, ula shitukake Mungu, dans sa vie, maisha yake, qui brise la parole de Dieu, mwenye kuvunja neno ya Mungu, volontairement, kwa makusudi, il doit provenir anapasha, anatokea ule muntu, de la race méchante. Mukizazi kya batu babaya. Mais remarque. Lakini angalia. Loin de Dieu. Mbali na Mungu. Cette race. Iki kizazi. S'est lancé avec force. Kisha kujitowaka na nguvu à la recherche de biens matériels. Mukutafutisha ma vitu ya kimwili. Cette race méchante. Iki kizazi kibaya iki. S'étant éloigné de Dieu. Benye kwenda mbali na Mungu. Comme elle n'avait jamais eu Dieu dans son, dans sa pensée ni dans son cœur. Vila sikupataka Mungu mawazo yake au moro yake. Elle s'est lancée à la recherche des richesses. Arijitoa sasa mkutafutisha mali. Elle s'est lancée. Arijitoa. À la recherche de l'argent. Mkutafuta feza. Elle s'est lancée Arjitoa, à la recherche de la civilisation. Mukutafuta kizungu. Elle s'est lancée Arjitoa, à l'industrie. Mukutafuta au développement de l'industrie. Kuendelea kwa kampuni. Oui. C'est vrai. Ni kweli. Genèse chapitre 4. Mwanzo sura ya ine. Dans son verset 21 à 22. Makumi mbili na moja na makumi mbili na mbili ya mustari. Le nom de son frère était Jubal. Jubal. Njina ya nduku yake ilikuwa Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du chalumeau. Alikuwa baba wa wale wote wenye kucheza kule ku harpe na chalumeau. Disla de son côté. Sisla kungambo yake. Enfanta Tubal-Caïen, Akazala Tubal-Caïen, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Ule alianzaka kufua vyuma vyote vya shaba la na vyuma. La sœur de Tubal Caïn était Mana, Mama. Dada yake na Tubal Caïn alikuwa Nama. Cette race méchante, hiki kizazi kibaya, n'ayant aucun respect à l'égard de Dieu, kashipokuwa hata heshima moyo kwa ngambo ya Mungu, n'ayant aucun respect à l'égard du véritable Dieu, kashipokuwa hata heshima moyo kwa ngambo ya Mungu ya kweli, et en s'étant éloigné de la présence du Seigneur, na venye kwenda mbali na uwepo ya Bwana, s'est lancé à la recherche des richesses mondaines. Bari jitoa sasa mkutafutisha mali ya dunia. C'est vrai. Ni kweli. La préoccupation profonde. Mangaiko yabo ya upana. C'est avoir des richesses. Ni kupata mali. Avoir beaucoup d'argent. Kupata pesa mingi. Développer la civilisation. Kizungu kiendele sana. Développer l'industrie. Kuendelesha makampuni yabo. Étant loin de Dieu. Benye kwa mbali na Mungu. Ils sont devenus inventeurs. Bakakuya bantu ba kutunga. Inventeurs. Bakutunga bintu. Ayant un esprit orgueilleux et hautain, benye kwa na roho ya kiburi na ya majivuno, ils se sont lancés à la recherche de la grandeur. Bajitoa sasa mkutafuta kwa watu wakubwa. Ils se sont lancés. Bajitoa à la recherche de la puissance. Pourquoi? Dieu a nini? C'était pour dominer. C'est quoi? Dieu va pas te kutawala. La terre. Dunia. Et pourtant la terre. Japo dunia. Est un domaine de l'homme. Il quoi? Ni fashi ya muntu. Quand Dieu créa le ciel et la terre. Wakati Mungu aliumba mbingu na dunia. Dieu est resté comme le Seigneur du ciel. Mungu alibakia sawa Bwana wa mbingu. Et il remit toute la terre entre les mains de l'homme. Na akakaburia dunia mujima mu mikono ya mtu. C'est l'homme qui domine. Ni mtu alianza kutawala. Mais à la chute, lakini pa kuanguka sasa, Satan est venu maintenant. Shetani alikuja sasa, parce qu'il avait envié la position que l'homme avait. Juu alitamaniaka ile ari mtu alikuwa nayo. Dans sa méchanceté, muroho yake mubaya, il n'avait aucun respect à l'égard des choses de Dieu, ni à l'égard de Dieu. Asikuwa na heshima moyo kwa vitu vya Mungu au kwa Mungu. Dans son cœur obscur, il ne recherchait que les richesses mondaines, un point et un trait. L'église est avec moi. Les méchants n'ont pas autre objectif sur la terre. Ils ne cherchent que les richesses mondaines. Développer la civilisation. Kuendelesha kizungu. Développer l'industrie. Kuendelesha makampuni yabo. Ils sont à la recherche de la grandeur. Leo natafuta kwa watu wakubwa. De la puissance. Bakuwe na uwezo. Avec l'objectif. Na kifukuzio. De dominer. Ya kutawala. Toute la terre. Dunia mujima. Que les démons n'ont même pas créé. Ile ambayo mademon haikumba. Que les méchants n'ont même pas créé. Ile watu wabaya hata bakumba. Ils veulent dominer la terre. Ile watu watawala dunia. Qui est la propriété de l'homme. Yenye kuya qui l'on la vu par ruse. Ile viko na munyanganya kujanja. C'est vrai. Ni kweli. C'est pas, vous voyez dans Romains au chapitre 1. Njoka maana mko naona Baroma sura yake ya kwanza. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Je kama kanisa iko nanifuata. C'est pourquoi njoka maana vérifiez aussi Vos objectifs, angalishisha tena na wewe vifukuzio bila kunao. Vos penchants, namna kule kunegamia. Vos pensées, mawazo yako. Si tu n'as aucun respect à l'égard de Dieu, kama una tana ni à l'égard de, la, de sa parole, mbele ya Mungu au neno yake. Posez-vous la question. Upate kujuliza na wewe. De qui es-tu fils? Es-tu comme mtoto wa nani? Si dans ton cœur, kama moro yako, vous êtes qu'à la recherche de la richesse mondaine et des choses mondaines, la civilisation kizungu t'emporte, kinesha kukubeba, tu aimes inventer beaucoup de choses, unapenda kutunga bintu bya mingi, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Biko nakumbanisha mapenzi ya Mungu. Posez-vous la question de savoir ujulize, ulize ya kuyua, qui est ton père? Baba yako ni nani? Romains chapitre 1, Roma sura ya kwanza, prenons le verset 21, mstari yake ya makumi na moja, verset 22, na mstari wa kumi na mbili, et lisons aussi le verset 30. Tusome tena mstari wa kumi na tatu. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, juu kisha kuyua Mungu hawakumtukuza sawa Mungu, et ne lui ont point rendu grâce. Na abakumu shukuru. Mais, lakini, ils se sont égarés dans leurs pensées. Barienda mbari mawazo yabo. Et leur cœur sans intelligence na roho yabo a été plongé dans les ténèbres. Roho yabo bila akili ilitumbukiza umagiza. Se vantant d'être sage, benye kujitukuza kwa na hekima, ils sont devenus fous. Baikwasa banakuwa ba majimu. C'est vrai. Nikweli. Ils se sont égarés. Barienda mbari. Dans leurs pensées. Mawazo yabo. Et leur cœur, sans intelligence. Roho yabo yashipo kwa na akili. A été plongé dans les ténèbres. Ilijitumbukiza mumagiza. Un homme sans Dieu. Mutu yashipo kwa na Mungu. N'est pas intelligent. Ashikalage na akiri. Parce qu'un homme intelligent, jumutu wa akili, la Bible dit, Biblia inasema, il s'éloigne du péché. Anendaka mbali na zambi. Quelqu'un peut-être à l'école, il est premier. Mutu anaweza kwa masomo na tukawa kwanza. Il obtient toujours 99%. Anapata kila mara 99%. Mais si n'a pas Dieu dans son cœur. Kwa maana na Mungu muroho yake. Il a un cœur ténébreux. Eko na roho ya magiza. Et son intelligence là. Na ile akili yake masomo ile. Va l'égarer. Itampeleka mbali. Loin de Dieu. Mbali na Mungu. Et quand quelqu'un se croit intelligent sans Dieu, na wakati mtu anawaacha kuwa na akili bila Mungu, il se vantera d'être sage. Ataanza kujitukuza kusema iko na hekima. Et quand un homme sage, c'est ça, se croit être sage. Na kama mtu anaanza sasa kujiwazia kuwa na hekima, c'est la folie qui commence. Ile ni majimu iko naanzia pale. C'est vrai. Ni kweli. Dans le verset 30 pour aller un peu plus vite. Makumi tatu jua kwenda haraka. Le verset 28 dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Maintenant, dans le verset 30, je prends seulement donc rapporteur, médisant, impur, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Ingénieux. Ce sont des grands inventeurs du mal. Kutunga sana vibaya. Ils inventent le mal. Beko natunga vibaya. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Très orgueilleux. Benye kwa na kiburi sana. Très hautain. Benye kwa na majivuno sana. Inventeur du mal. Benye kwanza kutunga vibaya. C'est vrai. Ni kweli. La race du méchant. Kizazi kya babaya. Est rempli d'hommes nikinye kuyala na bantu attaché au terrestre benye kujiunga sana kubitu vya dunia est plein de la convoitise de la chair. Na benye kujaza sana na tamaa ya mwili. Les méchants, batu babaya. La race de méchants, kizazi kya batu babaya. Dans leur vie, maisha yabo. Dans leur comportement, mwenendo yabo. Ils n'ont aucun respect à l'égard du véritable Dieu. Avec la katana heshima moya kwa Mungu abia kweli. Et ils ne peuvent pas respecter la véritable église. Na baweze kuheshimia kamwe kanisa abia kweli. Ils ne peuvent pas respecter le véritable enfant de Dieu. Baweze kuheshimia kamwe batumishi batu. Ils ne peuvent pas respecter le véritable serviteur de Dieu. Baweze kuheshimia batumishi ya Mungu abia kweli. Ils n'ont pas du respect à l'égard des choses de Dieu. Abana na heshima ku vitu vya Mungu. Dans leur cœur, ils ne recherchent que le matériel, les richesses matérielles, les richesses mondaines. Même lorsqu'ils croient, leur objectif, que Dieu leur donne des richesses. Même lorsqu'ils sont dans l'église, leur prière, Dieu donne-moi de l'argent. Mungu nikaburie makuta. Et ils sont caractérisés par l'invention. Ce sont des grands ingénieurs. Parce qu'ils sont intelligents. Ils sont rusés. Ils inventent des histoires. Ils peuvent inventer les péchés, des mensonges. Ils peuvent inventer n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde, c'est plein de beaucoup d'inventions qui ne viennent pas de Dieu. Les maquillages, les mèches, toutes ces choses-là sont des inventions sataniques. Regardez ces gens qui sont dominés par l'esprit d'invention du mal. Dans leur pensée ténébreuse, ils ont un esprit orgueilleux et un esprit arrogant. Ils cherchent toujours la grandeur. Ils veulent être forts pour dominer les autres. Et vous les verrez très attachés au terrestre. Et ils sont pleins de la convoitise de la chair. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Jésus a dit ici. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 32. Mais j'ai besoin du verset 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Écoutez, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont des gens sans Dieu qui les recherchent. Ce sont les méchants qui les recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Si dans votre cœur vous recherchez, il y a une différence entre chercher et rechercher. Rechercher, c'est une préoccupation d'avoir les biens terrestres. Vous pouvez comprendre de quel arbre tu as été tiré. Dans Psaume 17, Mu Mazaburi 17. Psaume 17. Mazaburi 17. Dans son verset 14. Mustari yake ya 14. Délivre-moi des hommes par ta main, Unikombole kubantu kupitia mkono yako. Éternel, familele. Des hommes de ce monde, bantu ba dunia. Leur part est dans la vie. Sehemu yabo iko muhimu maisha ya dunia. Leur part sehemu yabo est dans la vie. Iko muhimu maisha. Les païens et les méchants, bapagano na batu babaya, n'ont d'héritage que sur cette terre. Beko na uriti tu mpaka pa hii dunia. Les païens, bapagano, n'ont d'héritage beko na uriti que sur cette terre. Mpaka pa hii dunia. Leur pensée, mawazo yabo, et leur objectif ne peut pas s'élever dans les choses célestes, les choses spirituelles. Non. Ils ont une préoccupation principale, ce sont les richesses du monde, l'argent, pesa. Être civilisé, makweba kizungu, des gens considérés, bantu la grandeur, kuheshimiwa bakubwa. Pour eux, kwa bobo, leurs yeux se limitent seulement à ce qu'ils voient ici. Macho yabo inaishia tu paka mobile bobo naona. Ils n'ont pas d'héritage bana na uriti dans les choses célestes, mubitu vya kimbingu. Ils n'ont pas d'héritage dans les choses divines. Les enfants de Caïn ont seulement les yeux braqués sur les choses terrestres. Ils n'ont d'héritage que sur les choses terrestres. C'est pourquoi vous voyez dans les enseignements de Jésus-Christ, il nous enseignait et disait, si quelqu'un veut te ravir des choses terrestres, vous voyez, c'est ça leur part, c'est ça leur héritage. Mais les enfants de Dieu ont des yeux braqués sur Dieu. Oui, bien-aimé frère. Ndio bapendo anduku. Oui, bien-aimé sœur. Ndio bapendo dada. C'est pourquoi vous lirez. Ndio kama mtasoma. Dans 1 Jean, Yohane wa kwanza, au chapitre 2, Yohane wa kwanza sura yake ya pili, dans son verset 15, mstari wa 15, le Saint-Esprit nous avertit et dit, n'aime point le monde. Mushipende dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Au bintu venye kupatikana mudunia. Si quelqu'un aime le monde, kama mtu anapenda dunia, l'amour du Père n'est pas en lui. Mapendo ya baba haina ndani yake. Car tout ce qui est dans le monde, yote yako mudunia, la convoitise de la chair, tamaa ya mwili, la convoitise des yeux, tamaa ya macho, et l'orgueil de la vie, na kiburi kya maisha, ne vient point du Père, kutoke kwa baba, mais vient du monde. Lakini vinatokea mudunia. La race méchante, kizazi kya batu babaya, elle est pleine de la convoitise de la chair, ben kujazwa na tamaa, très attachée au terrestre, wanambatanishwa sana na vitu vya dunia, aimant les femmes, wanapenda banamuke, et les plaisirs du monde, na anasa ya dunia. Quelqu'un qui abandonne Dieu pour une femme, mtu anaacha Mungu juu ya mwanamke. Hein? Quelqu'un abandonne Dieu, Mungu, il abandonne la véritable parole, il abandonne le véritable Dieu, Mungu seulement pour une femme, tu ya ou une femme abandonne Dieu et sa parole, Mungu na neno yake, seulement pour un mari, tu ya pour un homme. Quand vous voyez un frère qui abandonne la parole pour une prostituée, comprenez de quelle famille il vient. Ils sont tellement attachés au terrestre et à la convoitise du monde qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Ils aiment les femmes. Ils aiment les plaisirs du monde. Mais là, dans leur cœur, aucun souci de Dieu et des choses de Dieu. Dans leur cœur, ils n'ont aucun souci du véritable Dieu. Ils n'ont aucun souci d'expérimenter le véritable Dieu. Aucun souci d'expérimenter la véritable vie de Dieu. De la race du méchant vient les méchants qui n'ont aucun respect du véritable Dieu. Ils n'ont aucun respect de tout ce qui est attaché à Dieu. Dans leur cœur, un seul souci les anime, c'est la recherche des richesses mondaines. Ils sont caractérisés par l'orgueil. Ils sont très hautains. Ils ne peuvent jamais se soumettre à la parole. Ils sont pleins de la convoitise de la chair. Très attachés au terrestre. C'est vrai. Ils aiment les femmes. Ils aiment la prostitution. Ils aiment les plaisirs du monde. Mais dans leur cœur, ils n'ont aucun souci du véritable Dieu. Et ils ne veulent jamais expérimenter dans leur vie le véritable Dieu. Ils n'en veulent pas. Ils préfèrent être membres de l'église. Banapenda kwa memba kanisa. C'est fini. Kunaishi. S'ils se sentent aimés dans l'église. Kama banaona sasa banapenda mkanisa. Ils se sentent satisfaits. Banaona kusema ile mambo inenea tu. S'ils peuvent avoir l'argent. Kama naweza pata pesa juu ya kula. Les habits pour se vêtir. Mavazi juu ya kuvaa. Pas construire une maison. Anajenga nyumba. Ça va, il n'y a pas un problème. Hakuna mambo pale. Mambo yake na shamia pa bintu vya kimwili. Juu ya nini? Njoo kile ambao sheta Lucifer alitombokeaka Mungu juu ya kuja kujokipe na bintu vya kimwili bila alikuwa tabia yake. La raison pour laquelle Lucifer s'est rebellé pour s'approprier le sort de la terre. La terre appartenait à l'homme avec tout ce qui le renferme. Dieu avait créé la terre. Il prend l'homme, il le place sur la terre pour que l'homme domine toutes choses. Satan par convoitise, après avoir raté son coup au ciel, il est venu maintenant pour ravir à l'homme la terre. Vous allez lui chier. Il était déjà au ciel, il va rentrer au ciel comment? Réglez avec moi. Kumbingu njokula rikuya anatokako. Sasa anakuya kwa dunia, Dieu anapenda tawale dunia. Il a raison avec ses enfants. Mambo yake yote ni bintu vya dunia. Son problème c'est chercher les histoires de la terre. Kama tunanda bintu vya dunia, commencer à chercher les choses de la terre. Là, il s'enflamme. Mais comment on a ça bien dit à Kumbingu? N'institue pas des choses célestes. Il est triste. On a pas ta ouïe. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y retournera jamais. Il veut maintenant empêcher à ceux qui veulent retourner de ne pas y aller. C'est pourquoi il peut embellir la terre. Il invente des histoires dans son méchanceté. Il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. C'est pas le méchant. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête. Nous allons continuer mardi. Avez-vous compris? J'ai introduit le temps des nations. Donc, la deuxième partie de la prédication d'aujourd'hui, nous avons introduit le temps des nations et nous allons continuer mardi. Maintenant, les conseils que je vous donne, frères et sœurs. La parole de Dieu est une lumière. Neno ya Mungu ni nuru, ni mwangaza. Cette parole que vous avez entendue ici, neno hii mnasikia hapa, a déjà éclairé ton cœur. Maintenant tu peux toi-même te placer. Sasa wewe mwenyewe unaweza kujiweka. Depuis que tu es ici, tangia uko hapa. Quel est ton objectif? Kifukuzio kiako paifu ashini nini? Là dans ton cœur. Mule muroya. Haina mambo ya kushonta na bilola a. Wepek. Où se tournent vos affections? Ma pende yako iko na geukia wapi? Que Dieu nous aide. Mungu kumbe atusaidie. Levons-nous, nous continuerons. Tushimame, tutaendelee. Prions. Tombe.